Il avait compris que les plus grands bonheurs ne se trouvent pas dans les magasins. De savoir cela, il se sentait plus fort. Il décida qu'il était temps de rentrer chez lui pour que sa famille connaisse ses nouveaux amis. Il était parti depuis déjà pas mal de temps. Le jour montait à travers la clairière. Il sentait en lui venir le début du printemps. Il ne voyait pas encore la lisière. Pourtant, le jour éclairait la plaine, se dessinait son avenir. Le soleil naissant à peine réchauffait ses peurs, ses désirs, sa fatigue et ses peines. Voilà, Hérisson a retrouvé sa famille et ses amis. Et moi aussi, je dois rentrer chez moi. Et quand je croiserai Hérisson, je serai heureuse de lui parler de toi.